Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette toute première émission de l'année 2020 de Rock de Neurones, une émission bien entendu consacrée au rock progressif. Et durant cette émission de 2 heures, bien, vous êtes en compagnie de Jimmy Farley et on aura The Worm Ouroboros de la Biélorussie, The Samurai of Prague qui est une formation multinationale, on a Carfagen d'Ukraine, Lucy in Blue d'Islande, United Progressive Fraternity d'Australie, Marble House d'Italie, London Underground d'Italie et Mythopoeic Mind de Norvège. Alors avant de débuter l'émission, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année, une nouvelle année bien remplie de prog. Et on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2019. L'année s'est terminée avec... ceux qui suivent l'émission de presse savent que j'ai une base de données qui maintenant contient près de 21 000 groupes de rock progressif. C'est à peu près 1000 groupes de plus que l'an dernier à cette même période. Ça veut donc dire à peu près 80 nouveaux groupes par mois. Alors, pour ceux qui pensent que le prog agonise, bien, sachez qu'il y a eu aussi près de 1600 nouveaux albums. Alors ça, c'est tout réparti dans les 22 sous-genres de rock progressif, là, les sous-genres style crossover, éclectique, symphonique, metal. D'ailleurs, depuis 2-3 ans, la tendance se maintient. Tout ce qui tourne autour du métal dans le rock progressif, mais ça couvre à peu près 30% des nouveautés. Alors là, il y a 4 sous-genres qui regroupent le métal. C'est le métal pur, le prog métal. Il y a le expérimental post-métal. Il y a le heavy prog et puis il y a le tech extrême métal. Alors, c'est une tendance qui se confirme encore cette année. Alors, on va aller maintenant au premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et heureusement, durant la période des fêtes, on a eu quelques nouveautés qu'on n'attendait pas, dont The Worm Ouroboros. Ça vient de la Biélorussie. C'est un groupe qui nous avait offert un très bon album en 2013 avec un succès d'estime. Et on avait perdu un peu l'espoir de les réentendre parce qu'ils sont restés silencieux pendant 6 longues années. Ils nous reviennent avec un deuxième album qui est paru le 24 décembre. Ça s'intitule « Endless Way From You ». C'est un album assez généreux de 80 minutes réparties sur 9 pièces. Et aujourd'hui, bien, je vous en propose 2. De tirer de cet album-là qui s'appelle encore une fois Endless Way From You. La pièce première, c'est Stone and Lydia. Et tout de suite après, vous allez entendre The Reality You Can't Stop Dreaming. Alors, The Worm Ouroboros. We'll be right back. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation qui nous vient de la Biélorussie, Bélarus en anglais, et le nom du groupe, c'est The Warm Ouroboros. C'est un nouvel album qui est paru le 24 décembre 2019, et je vous ai proposé The Reality You Can Stop Dreaming, et ça a été précédé de Stone and Lydia, les deux pièces qui sont extraites de Endless Way From You. Après la pause, de Samurai of Prague et Carfagen. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on est de retour et en ce deuxième bloc, je vous propose The Samurai of Prague. Ça, c'est un groupe, une formation multinationale qui a déjà 7 albums studio à leur actif, dont le dernier, Toki no Case. Ça, c'est paru cette année, en 2019, c'est-à-dire, et on va entendre la pièce Zero. Et tout de suite après, je vous propose un extrait de l'album Echoes from Within Dragon Island. Ça, c'est Carfagen d'Ukraine. C'est leur 10e album studio. Et c'est un avant-goût que je vous propose par rapport à la semaine prochaine. Eh bien, on aura premier bloc de l'émission consacré à l'album de la semaine. Eh bien, ça sera Carfagen, leur nouveauté. Leur nouveauté qui s'intitule... Birds of Passage. Alors, on va entendre ça la semaine prochaine, mais en attendant, bien, on va écouter un extrait de l'album qui est paru en 2019. Mais tout d'abord, The Samurai of Prague. Thank you. Where the little people are, where the clover tops are trees. Thank you. Oh, Alors, c'était Carfagen d'Ukraine et la pièce Dragon Island Suite Part 1. Ça, c'est tiré de l'album Echoes from Within Dragon Island. Ça, c'est paru en 2019. Et en début de bloc, nous avions The Samurai of Prague et la pièce Zero, extraite de Toki no Kaze. Ça, c'est aussi paru en 2019. Alors, après la pause, Lucy in Blue d'Islande et United Progressive Fraternity d'Australie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici de retour avec une formation d'Islande. On parle ici de Lucy in Blue. C'est un groupe qui est assez nouveau sur la scène du rock progressif. Et surtout, en Islande, on n'a pas tellement de groupes qui nous proviennent de ce pays-là. Alors, Lucy in Blue a sorti un album en 2016, un album homonyme. Et ils nous reviennent en 2019 avec In Flight. Et vous allez entendre la pièce « Respire ». Et ensuite, on va aller en Australie avec le groupe « United Progressive Fraternity ». Ça, c'est un groupe qui est né des cendres du groupe Unitopia à l'époque. Et ils ont déjà deux albums, le dernier qui est paru il y a quelques mois. Et l'album s'intitule « Planetary Overload Part 1 ». Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce « Seeds for Life ». Je rappelle ici que United Progressive Fraternity, c'est un groupe qui origine de Unitopia, comme je le mentionnais précédemment. Puis ce groupe-là s'est fait aider pour le dernier album et ils ont invité une trentaine de musiciens. Et j'en cite quelques-uns ici par hasard. Là. Il y a John Davison du groupe Yes, le chanteur. Il y a Hass Froberg du groupe Flower Kings. Il y a Steve Hackett, bien entendu, de Genesis. Colin Edwin aussi de Porcupine Tree. Alors ici, on a des grosses pointures, bien entendu. Et le fait remarquable, en tout cas moi qui m'impressionne le plus, c'est la collaboration de Michel Saint-Père, le guitariste de Mystery, qui nous offre un très, très beau solo, un des meilleurs solos que j'ai entendu de la décennie, je vous dirais, sur cette pièce-là. Alors on commence tout de suite avec Lucy in Blue. Torrent of dread and woe.

dawn. Seeds for the future, seeds for life, for survival, more precious, so much to learn, seeds for life, and our children, seeds for life, for the future, more precious. Our children, seeds for life, must live on, grow, and seeds for life, of life, precious, survival life, is the way, grow, watch it grow, precious, seeds for we'll be right back. C'était United Progressive Fraternity d'Australie avec la pièce Seeds for Life. Ça, c'est extrait de l'album Planetary Overload Part 1 qui est paru en 2019. Et pour préciser ici, c'est mon deuxième album préféré de 2019. Le premier étant IQ. Alors, ça a été précédé de la formation islandaise Lucy in Blue et la pièce Respire tirée de l'album In Flight. Après la pause, nous aurons un groupe d'Italie, Marble House, un autre d'Italie, London Underground, et un groupe de Norvège, Mythopoeic Mind. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Voici déjà rendu au dernier bloc de l'émission et on va débuter avec une formation italienne qui est un fait que j'ai découvert à la fin de l'année dernière, en fin 2018. C'est Marble House, c'est une nouveauté du côté de rock progressif italien. Et ils ont offert un très bel album qui s'intitule Embers et je vous propose un extrait qui est Marble House, en fait un extrait de Marble House aussi parce que c'est une longue pièce de près de 23 ou 24 minutes. Alors moi, je vous en propose 16 minutes. Et ça va être suivi par une autre formation italienne du nom de London Underground. C'est un groupe qui, en fait, n'est pas très prolifique, mais existe depuis l'année 2000. Et ils ont, en 2018, fait paraître leur quatrième album qui s'intitule tout simplement « Four ». Et pour aujourd'hui, ben, je vais vous proposer la pièce « At Home ». Et on va conclure avec Mythopoeic Mind, qui est un nouveau groupe de la Norvège. C'est un groupe qui a été fondé par un des musiciens de Panzerpapa, c'est-à-dire. Et il est accompagné par d'autres musiciens et techniciens de Gentle Knife, Pimlico et aussi de White Willow. Alors, ça fait quand même... c'est un groupe scandinave et puis c'est une sonorité là, qui est bien particulière à ce groupe-là. Alors, on débute avec Marble House. We'll be right back. Alors, c'est une musique qui nous vient de la Norvège avec le groupe Mythopoeic Mind et la pièce Train of Mind tirée de Mythopoetry. Ça a été précédé de London Underground, une formation italienne, et la pièce At Home tirée de Four, leur quatrième album. Et en début de bloc, bien, on avait la formation italienne Marble House et la pièce Marble House. Ça, c'est extrait de l'album Embers, paru en 2018. Alors ça, ça met fin à la programmation musicale de cette première émission de l'année 2020. Et je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones si vous voulez avoir la playlist de tout ce qui a été joué ce soir. Et vous avez aussi sur la page Facebook un hyperlien qui vous amène à l'émission en différé sur SoundCloud. Émission en différé que vous pouvez aussi écouter en rediffusion sur C'est fou les dimanches matins de midi, c'est-à-dire de 10h à midi, et les mardis de midi à 14h. Alors, sur la page Facebook de Rock de Neurones, vous avez aussi accès à un lien qui vous amène à une, en fait, presque 150, 160 émissions archivées. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé cette première émission de l'année 2020 et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine. Petite parenthèse ici, la semaine prochaine, j'aurai la nouveauté de Carfagen d'Ukraine. Alors, bonne semaine!